C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centre-Art, www.centreart.qc.ca ou encore le www.quebecpop.com ainsi que sur ma page Facebook de Canrock. Cette semaine, live au pas perdu, les salles barbes. Attention, un ouragan en provenance de l'Acadie vient de voir le jour sur la planète musique. Un quintet d'excellents auteurs, compositeurs, interprètes s'en vient en ville pour brasser la baraque et avec leur premier disque live au pas perdu. Les salles barbes, peu importe qui a eu l'idée de créer ce monstre-là, c'est le remède miracle contre l'ennui. La formation de 5 musiciens, soit Jonathan et Éloi Pinchot, Georges Béliveau, Kevin McIntyre et Jean-François Brault, nous propose 13 classiques cajuns qui sera vous faire soigner et danser toute la nuit. De la danse du Mardi Gras à Allons danser, ce n'est que du bonheur. Tour à tour, les 5 joyeux troubadours nous chantent la joie de vivre comme s'il n'avait pas de lendemain. Live au pas perdu, c'est des guitares, du violon, de l'harmonica, du tapage de pieds, donc une batterie est en pleine puissance et tout ça irrésistible. On se laisse entraîner par l'énergie contagieuse que nous propose cet album-là. Je vous donne une adresse pour communiquer avec le groupe pour avoir soit une copie de l'album ou encore savoir s'ils s'en vont dans votre coin de pays. C'est sur twitter.com/salebarbes, SALEBARBES. Donc, vous pouvez sûrement trouver ça aussi sur Distribution Plage, www.plage.net. On va y aller avec une première pièce, c'est celle qui ouvre l'album comme tel. Ça s'appelle « Danse du Mardi Gras ». Voici « Sale Barbe ». Capitaine, capitaine, voyage ton flingue tout le tour autour du moyeu. Pièces extrêmement puissantes sont entre autres la cassine spéciale qu'on va entendre dans quelques instants pour ces deux violons en harmonie avec l'harmonica. Il y a le country blues Marshall Plancher pour son intensité et l'énergie contagieuse des chœurs et la ballade country No Boy avec son mood 50s. mais je termine par une pièce qu'on va entendre en fin de commentaire. Ça s'appelle tout simplement « Bayou Pompon », une surdose de TNT idéale pour plancher de danse et les fins de soirée. Donc, vraiment intéressant. Encore une autre fois, je vous invite à aller faire un tour sur Distribution Plage, www.plage.net ou encore twitter.com/salbarbe pour découvrir ce groupe-là, découvrir leur univers, leur énergie et bien entendu, mettre la main sur l'album. Si vous faites ça, vous allez entendre sûrement la prochaine pièce sur cet album-là, La Cassine spéciale. Vraiment, là, je trouve ça intéressant. Spécialement pour les deux violons qui sont en chœur, Éloi Pinchot et Georges Béliveau. Voici La Cassine spéciale. Moi je vais faire tout le temps dans les misères, tout le temps après souffert, juste rapport à tes paroles que toi, qu'attends tu m'avais dit. T'as tout le temps eu, faudra t'oublier tout ça. Si toi tu veux rester avec ton chavionnet, arrête, tu peux voir, le chemin est en allée. Je suis tout le temps là, après jongler à toi, après jongler à toi, Katin c'est juste là-bas, à tous mes ces jonglements que toi tu m'as mis dans. Petit produit venant de l'Acadie, fort intéressant, live au pas perdu, les Salbarbes, ces cinq excellents musiciens interprètes d'une même génération qui retournent aux sources. On parle ici de Jonathan Pinchot, Éloi Pinchot, Georges Béliveau, Kevin McIntyre et aussi Jean-François Brault. Les Salbarbes, cinq joyeux troubadours qui ont le goût de vous faire danser toute la nuit. Mettez vos souliers de danse et visitez le twitter.com/salbarbe ou encore le www.plage.net pour aller mettre la main là-dessus. Ça vous prend cet album-là pour vos parties de Noël. C'est vraiment fort intéressant. On va écouter une dernière pièce. J'ai décidé de vous donner une surdose de TNT assez magnifique. Ça s'appelle tout simplement Bayou Pompon, et ça vient de l'album Live au pas perdu. Voici le groupe acadien qui font de l'excellente musique cajun. Ça s'appelle tout simplement les Salbarbes. On les écoute. Whoa! ce dimanche après-midi. Et tout serait dans mon village. Si tu étais ici, je ferais cesser l'orage. La pluie qui claque sur le pavé, et j'ai envie d'aller marcher. Dans l'eau jusqu'aux genoux, le pataugé comme un enfant. Je me sens un peu fou, mais il faut bien que je passe le temps. Je me sens un peu plus vide, un peu plus vieux, un peu plus gris. C'est dimanche après-midi, et j'aimerais bien que tu sois ici. J'entends quelqu'un chanter. Le restaurant est fermé, je peux même pas prendre mon café. Le vent qui souffle sur la pluie et l'arc-en-ciel qui me sourit. Chez nous, le ciel est ensoleillé. Je me sens un peu sous des moments de ma journée. Je me sens un peu plus vide, un peu plus vieux, un peu plus gris. On a débuté le bloc de l'Est Québec-Ontario avec un classique dont tout bon musicien franco-ontarien qui se respecte a au moins chanté une fois dans sa vie. Dimanche après-midi, de Cano, on vient l'entendre, l'original, tiré de l'album « Tous à bord du même bateau » ou « Tous dans le même bateau ». Et c'est celui qu'on entendait, c'était André Paiement, bien sûr. Très, très, très beau souvenir. J'adore cette pièce-là. Ça me fait plaisir de la faire jouer. Et même après tant d'années, je l'écoute et ça vient me chercher à l'intérieur. Donc, c'est vraiment magnifique comme pièce. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec... la musique de Garoulou, de Michel Lalonde et de 33 Barrettes, tous dans la même région, l'Est de l'Ontario, tous des musiques qui ont bercé l'âme. Donc, la première, c'est une reprise, par contre. La première, c'est une version jazz d'un grand classique de Garoulou, tiré de l'album « Centre-ville ». C'est tout simplement « Seul au centre-ville », donc fait par Janie René, qui devrait nous sortir très, très bientôt là, une nouvelle chanson franco-ontarienne à la saveur jazz. J'ai hâte d'entendre ça. Donc, on va l'écouter avec grand plaisir, « Seul au centre-ville », et vous allez voir, très belle version jazz. Par la suite, eh bien, Michel Lalonde devrait nous sortir un nouvel album solo le 22 septembre ou vers la fin de septembre. On a déjà le premier extrait qui s'appelle tout simplement « Je suis fait comme ça ». Vraiment très, très bonne pièce tirée de l'album « Comme un train ». Donc, j'ai bien hâte d'entendre cet album-là. Et pour terminer l'heure, pour se rendre à la pause de l'heure, pourquoi pas du bon vieux 33 Barrettes chez Henri, une place mythique en Outaouais, du côté de Hall, côté québécois. Donc, très, très bonne chanson également. Mais pour l'instant, voici Jeanne et René avec « Seul au centre-ville ». Samedi soir, au cœur de la ville, tous les pansoirs sont un peu fragiles. C'est un jeu de miroir, chacun sur son île, seul au centre-ville. Seul au centre-ville. Seul au centre-ville. Malgré tout, tout le monde est là, dans son bel habit. Elle boit, perdue dans la nuit. Qui sera pour moi. un fil d'argent, que tes ailes volent plus haut que le vent. Oublie-moi pas. Des belles promesses font des beaux enfants. J'en fais juste une, c'est que je t'aime vraiment. Je suis faite comme ça. Je suis taillé d'un seul bloc, têtu comme un rocher, qui trotte très bien son cœur de roc pour dormir à tes pieds. Y'en aura jamais une autre pour me brasser en l'écho, pour me rappeler que je suis faite comme ça et toi t'es faite pour moi. Je suis taillé d'un seul bloc, têtu comme un rocher, qui trotte très bien son cœur de roc pour dormir à tes pieds. Y'en aura jamais une autre pour me brasser entre les côtes, pour me rappeler que je suis faite comme ça, puis toi t'es faite pour moi. Pour me rappeler que je suis faite comme ça, puis toi t'es faite pour moi. Ma vie devant une grosse bière, ben assis chez Henri avec mes amis, à me demander laquelle j'allais cruiser hier soir. À fumer, à jaser, et puis à boire. Dans ce temps-là, je te parle de ça. Ça fait pas si longtemps, on faisait la musique la moitié du temps, l'autre moitié à peu près continuellement. On fêtait en flyant d'argent. Quand le soleil se levait, finalement on allait se coucher, mais en prenant de perdre.